Les petites histoires de Telmi. L'enfant masqué. Depuis que je suis tout petit, je sais que tout est possible. C'est grâce aux masques qui tapissent les murs de ma chambre. C'est mon papa qui les fabrique, avec du papier ou du carton, qu'il plie, découpe et sculpte. Avec ces masques, mon papa voyage partout dans le monde. Il les vend même dans des galeries. Pas celles qui sont sous terre, hein, mais ces sortes de magasins très chics, presque vides, où des gens sérieux déambulent avec des yeux de poisson mort. Alors, quand ils regardent les créations de mon papa, leurs yeux, blasés de tout, se remplissent à nouveau de lumière et d'étoiles. Mon premier masque, je l'ai reçu pour mon 3e anniversaire. C'était un dimanche très triste de mois de juin. Il pleuvait fort et faisait si gris qu'on avait l'impression qu'on était la nuit. Papa m'a donné une grosse boîte ronde dans laquelle reposait un masque merveilleux. « Avec ça, tu seras un vrai chevalier. » Papa avait raison. Dès que je l'ai enfilé, tout a changé. Mon crayon est devenu une épée. La feuille sur laquelle je gribouillais, un bouclier. Mon bureau, un château fort. Ma chaise, une tour de guet. Le plancher de ma chambre s'était transformé en une vaste plaine accueillant un village de chaussures. Ma couette était devenue un volcan au sommet duquel un monstre de feu menaçait toute la vallée. Je me suis lancé dans un combat épique, mais la bataille a pris brusquement fin quand je me suis emmêlé les pieds et que le masque s'est déchiré dans ma chute. D'un coup, tout est redevenu normal. Papa m'a regardé avec un grand sourire. Alors, c'est pas génial ? Trop, mais le masque est tout... Je suis désolé. Pas grave, je vais le réparer. Et puis, ça te dirait d'en avoir plein d'autres ? Depuis ce jour, chaque semaine, j'en ai eu un nouveau. J'avais institué un rituel. Avant d'aller à l'école, j'en choisissais un. À la maternelle, tout le monde voulait jouer avec moi pour me suivre dans mes aventures. C'est là que j'ai connu Simon, mon meilleur copain. Le seul à qui je prêtais mes masques. Ensemble, on était les rois. Pour le premier jour du CP, j'avais choisi mon plus beau masque, celui du dragon ninja. Dans la cour, j'ai entendu des murmures et des rires étouffés. Je n'ai pas vu Simon. En même temps, il y avait plein de monde. En classe, personne n'a voulu être mon voisin. À la récré, j'ai enfilé mon masque pour aller combattre des ombres maléfiques. On m'a bousculé, je me suis arrêté. Je me suis fait encercler par 5 garçons. Parmi eux, il y avait Simon. T'es bizarre avec ton masque. Faut grandir. T'es juste jaloux parce que mes masques sont trop bien. Pas vrai, Simon ? Laisse Simon tranquille, le fou. Va pas le contaminer. La brute m'a poussé si brusquement que je suis tombé. Simon a tourné la tête. Les moqueries ont fusé, puis la cloche a sonné. Le reste de la journée, j'étais tout seul, mis de côté, ignoré, même quand je levais la main pour participer. J'avais l'impression d'avoir attrapé un truc encore plus grave que la peste. À la fin de l'école, je suis sorti de la classe avec un boulet dans le ventre. Mais quand j'ai vu papa, j'ai ravalé ma tristesse et je lui racontais que tout s'était trop bien passé. Le lendemain, au saut du lit, j'ai contemplé toutes mes vies accrochées au mur. J'ai senti les larmes monter. Alors, j'ai ouvert mes yeux en grand comme une chouette et j'ai cligné très fort pour leur interdire de sortir. Au petit déjeuner, papa a remarqué que je n'étais pas dans mon assiette. J'ai descendu cul sec mon verre de jus de pomme pour me donner du courage. Il a levé un sourcil. Le cœur pincé, les yeux un peu mouillés, je lui annonçais la nouvelle. « Je crois que c'est mieux si les masques restent à la maison, non ?»« On t'a embêté ?»« Non, c'est juste qu'il faut que je grandisse. Enfin, je crois. » Pendant une fraction de seconde, papa s'est figé. Il souriait, mais il avait l'air triste. Il a soufflé un grand coup avant de poser sur moi un regard tout doux. Il m'a pris dans ses bras. Ça m'a fait des frissons qui m'ont défroissé le cœur. « Les vrais grands savent rester des enfants, mon chéri. » Je l'ai serré très fort, juste avant de vider toutes mes larmes. Je suis allé à l'école, sans masque, l'esprit léger. D'un coup, je n'étais plus pestiféré. À la récré du matin, j'ai vu Simon avec les brutes. Il avait l'air tout gris et tracassé. Je suis allé le voir. Même pas, tu lui parles. Tu vas le contaminer. Ça va, je suis guéri, regarde. Et puis, j'ai un truc à dire à Simon. T'as oublié ton masque du jour ? Non, je l'ai laissé chez moi. C'est fini, ça. Mais enfin, fallait pas. Comment tu vas faire pour vivre tes aventures maintenant ? À la maison. T'as qu'à venir pour le goûter. On pourra jouer à être qui on veut. Vous aussi, si vous voulez. Simon a retrouvé ses couleurs et son sourire. Les brutes, elles, ont pris un air dégoûté, sauf le grand costaud qui, l'espace d'un instant, nous a regardés avec des yeux pleins d'envie. Mais il n'a rien dit, et il est parti. Après l'école, avec Simon, on a sorti nos yeux mignons et nos plus belles dents pour demander à nos parents de jouer ensemble. Forcément, ça a marché. Une fois chez moi, on a laissé les grands dans le salon et on s'est précipité dans ma chambre. Simon est resté planté devant mon mur d'aventure comme si c'était la première fois qu'il le voyait. Ses yeux pétillaient d'envie. J'ai enfilé un masque de robot chasseur de primes, lui, un masque de chevalier des cauchemars. Avec un tas de coussins et de livres, on a fabriqué des forteresses. On n'a jamais pu savoir qui allait gagner parce que les parents ont débarqué dans ma chambre tout en bazar. Le lendemain, devant l'école, alors qu'on parlait de notre combat épique, la plus grande des brutes s'est plantée devant nous. Il se trifouillait des cheveux et n'arrivait pas à sortir un mot. Alors j'ai fait le premier pas. Je lui ai proposé de venir chez moi avec Simon après l'école. Un sourire timide a illuminé son visage et il a même réussi à articuler un tout petit merci. Papa a accepté avec joie notre petite bande. En découvrant ma collection, notre nouveau compagnon a poussé un cri de surprise si fort que les pigeons posés devant ma fenêtre se sont envolés, scandalisés par le bruit. Après cette aventure, ma chambre est devenue une attraction. Tous les enfants voulaient contempler mon mur de possibilités, parcourir des contrées inexplorées. Et peu de temps après, des masques se sont mis à fleurir sur les visages des enfants du quartier. Attendez, Olivier, l'illustrateur de l'histoire, vous a préparé une paper doll de Sam, le héros de l'enfant masqué. Vous pourrez lui faire essayer des dizaines de masques différents et lui faire vivre l'aventure que vous voulez. Le lien de téléchargement se trouve dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos créations par mail, Facebook ou sur Instagram, ça nous fera très plaisir. À bientôt !